Bonsoir Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Les préhistoriens devront s'y résigner. Leur champ d'étude, la préhistoire et la protohistoire, n'est plus leur monopole. Si beaucoup ne l'ont pas vu venir, d'autres la réfutent. La révolution paléogénétique est cependant en train de rebrasser ce que nous savons sur l'homme ancien, l'homme fossile. Qui aurait pu imaginer que l'homme de Denisova ait côtoyé Néandertal ou Cro-Magnon ? Mieux, à la stupeur de tous, des scientifiques viennent de réussir à isoler de l'ADN dans des sédiments en l'absence de tout os. Ce soir, dans le magazine d'archéologie de France Culture, point d'archéologue, mais deux spécialistes d'anthropologie biologique et de paléogénétique pour évoquer le génome de chevaux appartenant aux tribus nomades des steppes d'Asie centrale, les Scythes. Ludovic Orlando, Éric Trubesi, bonjour. Bonjour. Bonjour, Vincent. Professeur en anthropologie biologique à l'université Paul Sabatier, Éric Trubesi, vous êtes notamment directeur de la mission archéologique française en Sibérie orientale. Aujourd'hui, vous êtes en duplex de Toulouse. En ligne de votre laboratoire danois, Ludovic Orlando, vous êtes professeur d'archéologie moléculaire à l'université de Copenhague et au Muséum d'histoire naturelle du Danemark. Tous deux, et avec de nombreux chercheurs, viennent de publier un important article dans la revue Science. Ludovic Orlando, les périodes anciennes de l'archéologie vivent aujourd'hui une révolution. La vôtre ? Oui, effectivement. Donc l'archéologie a vécu une révolution fondamentale au cours de ces 5 dernières années, puisque des technologies de séquençage à très haut débit nous permettent aujourd'hui de séquencer non pas un petit fragment de l'ADN des individus qui vivaient par le passé, mais la totalité de leur patrimoine génétique. Au-delà même de ça, on est capable aujourd'hui de séquencer l'ADN non seulement des individus, mais des pathogènes qu'ils portaient, mais également de la faune du passé, mais également de la flore du passé. Bref, c'est tout un nouveau monde qui s'est ouvert à nous grâce aux technologies de très haut débit de séquençage de l'ADN. Éric Trubesi, quelle est aujourd'hui la place de l'analyse de l'ADN dans l'approche anthropologique des populations passées ? Écoutez, c'est une place qui devient centrale, qui l'est depuis quelques années. Mais à l'heure actuelle, quand on regarde le squelette par exemple, qu'est-ce que c'est qui nous échappe et qui actuellement échapperait à la paléogénétique ou à la paléogénomique ? Je ne vois qu'une seule chose à l'heure actuelle, c'est la détermination de l'âge. En effet, le sexe peut être donné par la paléogénétique. Ensuite, toutes les caractéristiques physiques de la couleur des yeux, des cheveux, etc., qu'on ne retrouve pas sur le squelette, sont données déjà directement. Et donc, le dernier objectif qui est fixé, c'est de déterminer l'âge. Mais là, même les anthropologues physiques classiques ont déjà beaucoup de difficultés. Mais il y a fort à parier que d'ici quelques années, en fait, des dérivés de la paléogénétique puissent nous donner des âges qui soient beaucoup plus précis que ceux qu'on arrive à donner aujourd'hui avec les méthodes ostéologiques classiques. Éric Trubesi, les préhistoriens ont intégré les données de la génétique, les nouvelles théories, voire les modèles ? Ils commencent de plus en plus à les intégrer, hein. Certains les ont intégrés depuis longtemps, mais ce qu'on peut dire, c'est que la technologie va tellement vite que le retour vers la communauté je dirais des préhistoriens, des culturalistes au sens large, prend quand même un peu plus de temps. Ludovic Orlando, la paléogénomique, l'archéologie moléculaire, tout cela est-il un peu la même chose, enfin du moins pour moi ? Pas tout à fait en réalité. L'archéologie moléculaire, c'est simplement l'archéologie, mais appliquée à une échelle moléculaire. Donc ça va inclure à la fois l'ADN, bien entendu, mais ça va pouvoir inclure l'analyse des protéines ou l'analyse des acides gras qui sont encore présents. Je pense par exemple à des résidus gras qui sont trouvés à la surface des poteries, par exemple des poteries qui auraient porté du lait, par exemple, ou des choses comme ça, peuvent être analysées moléculairement. Donc l'archéologie moléculaire, c'est une science qui est beaucoup plus englobante que la paléogénomique. Paléogénomique, elle, ne s'intéresse en fait qu'au séquençage de la totalité de l'information génétique venue de fossiles du passé, en réalité. Donc ADN, c'est paléogénomique, si vous voulez, et puis archéologie moléculaire, c'est à la fois l'ADN, mais également toutes les autres biomolécules. Ludovic Orlando, je l'évoquais en début d'émission. Que pensez-vous de cette nouvelle article révélant de l'ADN humain, voire animal, dans le sol, et cela sans qu'il y ait des os? Alors, c'est pas tout à fait une surprise pour des gens qui travaillent en archéologie moléculaire comme moi depuis maintenant près d'une quinzaine d'années, car l'Institut danois dans lequel j'exerce, moi, a déjà depuis l'année 2003 en réalité prouvé qu'il était possible de récupérer des traces génétiques d'espèces éteintes, telles que le mammouth par exemple, ou telles que des oiseaux moa en Nouvelle-Zélande. Ce sont des oiseaux qui ont été chassés jusqu'à extinction par les premiers arrivants de ces îles. Eh bien, c'était possible de le faire à partir, en absence totale de vestiges archéologiques classiques, tels que des bouts d'os ou des fragments de peau, des choses comme ça. Donc en réalité, on sait maintenant depuis plus d'une douzaine d'années que le sol, en fait, fixe l'ADN relativement bien. Alors il y a des modèles pour cela. Chimiquement, le sol a des composants qui sont favorables à des affinités avec l'ADN, à développer des affinités avec l'ADN. Et en particulier, on pense que si le sol est si riche en ADN ancien, c'est sûrement parce que les grands herbivores ou les humains, dans le cas de l'étude à laquelle vous vous référez, eh bien, ont laissé traîner leurs traces derrière eux pendant très longtemps. Éventuellement, leurs traces sous forme de défécation et sous forme de déjection, en réalité, qui vont diffuser le sol, et à mesure que ces dernières molécules trouvent leur chemin à travers le sol, vont s'arrêter en chemin et être pontées, absolument encapsulées, si vous voulez, par des matériaux du sol. Et ainsi, puisqu'elles sont encapsulées pendant les 5 ou 10 ou 20 000 années qui vont suivre, l'ADN va rester in situ, comme ça, dans le sol, et va pouvoir être redécouvert par nous aujourd'hui. Donc l'article n'est pas une surprise, mais il est vraiment à saluer, car cette fois, ce n'est pas que du mammouth que l'on retrouve, c'est évidemment des vestiges sur la propre lignée humaine. Et on sait très bien que, selon les périodes à laquelle on se réfère, eh bien, les vestiges sont rares. Donc cette nouvelle application de la paléogénomique va nous permettre de peut-être étudier des populations humaines que l'on ignore aujourd'hui, faute de vestiges morphologiquement préservés. Éric Trubézy, depuis 1997, vous avez vécu toute cette évolution de la paléogénomique. Oui, tout à fait. Et ce qui est assez fantastique, c'est qu'en 1997, avec mon collègue Bertrand Lude, qui est médecin légiste, qui dirige actuellement l'Institut de médecine légale de Paris, quand on a réalisé quelles étaient les potentialités, j'ai par exemple réorienté mes travaux depuis l'Égypte vers la Sibérie, parce qu'à l'époque, les techniques qu'on a aujourd'hui n'existaient pas, et on avait accès qu'à des types d'ADN très bien conservés, et qui étaient, l'ADN se conserve mieux en milieu froid qu'en milieu chaud. Or, ce qui est assez fantastique, c'est qu'aujourd'hui, l'Égypte s'ouvre à la paléogénomique, et ces nouvelles techniques, si vous voulez, ne connaissent plus les limites de chaleur, en tout cas, elles connaissent beaucoup moins qu'il y a encore 5-6 ans. Ludovic Orlando, les chevaux, nous allons en parler au travers de tombes gelées, mais tout d'abord, pourquoi s'intéresser spécialement aux chevaux ? Alors pour moi, le cheval, c'est l'animal domestique le plus important pour l'histoire de l'humanité. Si vous pensez au passé, vous pensez tout de suite peut-être à l'importance du cheval pour l'art de la guerre, par exemple, le développement de chariots de guerre, le développement de la cavalerie. Donc évidemment, l'émergence et puis la chute d'empires très importants de l'Antiquité s'est faite à dos de cheval. Ensuite, le cheval a été très important pour l'agriculture, car un cheval peut travailler deux fois plus vite, deux fois plus longtemps qu'une vache, par exemple. Donc le cheval a impacté même l'histoire de notre démographie, si vous voulez, et la capacité de nos populations à assouvir leurs propres besoins alimentaires. Ensuite, et enfin, le cheval a été très important pour le déplacement et le transport. Grâce au cheval, l'homme a voyagé plus loin, plus vite, qu'il n'a jamais pu le faire, et donc connecté des endroits du monde qui n'étaient pas encore connectés, et à travers ces voyages, déplacé non pas seulement les hommes, mais leur culture, leurs germes, leurs pathologies, leur religion et leur langage. Donc en réalité, pour nous, s'intéresser au cheval, c'est finalement s'intéresser par une perspective animale à l'histoire de l'humanité dans son ensemble. Justement, Ludovic Orlando, préparant cette émission, j'ai lu que vous aviez mis au jour la séquence de génome d'un cheval d'Alaska vieux de quelque 700 000 ans. Vos méthodes n'ont plus de limites, du moins temporelles ? Alors, il y a quand même des limites temporelles. Cet exploit que nous avons réalisé il y a quelques années, c'était dans les meilleures conditions, en employant les technologies les plus sensibles. Et pour vous donner une image, même si on est très fier d'avoir réussi à séquencer le génome de ce cheval qui vivait, vous voyez, entre un demi-million d'années et à un million d'années de cela, même si on a réussi cet exploit, si vous voulez, il fallait séquencer à peu près 500 fois les molécules d'ADN pour espérer en trouver une qui était utilisable par nous. Donc, pour vous dire qu'il y avait un rapport signal sur bruit qui était finalement très défavorable. Donc, on touchait là du doigt vraiment la limite que ce que même nos technologies actuelles nous permettent de faire. Alors, à ce jour, c'est encore le record. C'est le jeune homme le plus vieux qui a été séquencé encore aujourd'hui. Mais depuis, il y a des travaux, notamment des travaux d'une équipe allemande, au Max Planck Institute de Leipzig, qui a réussi à obtenir des données, non pas d'un génome complet, mais des données génomiques, donc des fragments du génome, si vous voulez, des bouts de chromosomes, d'individus humanoïdes anciens, dont les restes ont été trouvés dans la grotte d'Atapuerca en Espagne, et ceci était daté d'il y a environ 400 000 ans. Donc à ce jour, la communauté s'accorde pour penser que la limite temporaine de préservation de l'ADN, c'est plutôt de l'ordre du demi-million d'années au million d'années tout au plus, dans des environnements qui puissent être tempérés ou des environnements froids. Après cela, c'est pas que l'ADN a totalement disparu, c'est que l'ADN est trop court. En réalité, la séquence d'ADN qui nous reste est beaucoup trop courte pour pouvoir être utilisable, si vous voulez. La quantité d'informations préservées par molécule n'est pas capitalisable. Éric Krubézy, quel est le but de votre mission française en Sibérie orientale, en Yakoutie si l'on préfère ? Alors, il y a plusieurs buts, mais un des susceptibles, je dirais, d'intéresser le plus les auditeurs, c'est la relation entre ces études génétiques et la culture. C'est-à-dire que les archéologues, un peu partout dans le monde, sont souvent confrontés à du mobilier archéologique qui est semblable d'un site à l'autre. Et la question qui se pose est toujours la même. Est-ce que ce sont les hommes qui ont diffusé ou est-ce que ce sont les modes? Et en Yakoutie, on est dans un pays qui fait 3 millions de kilomètres carrés. On travaille sur des périodes récentes, ce qui est, je dirais, totalement expérimental parce qu'on a des données, on peut vérifier certains éléments grâce à l'histoire ou à des données ethnographiques. Et on s'aperçoit, par exemple, que sur des tombes qui sont distantes de 1500 km, quand vous avez deux sujets qui portent exactement le même mobilier, qui sont habillés exactement de la même façon, qu'est-ce que c'est qui a diffusé? Eh bien, la réponse est totalement différente quand vous arrivez à montrer, par exemple, qu'il y en a un qui était le frère de l'autre. Et c'est ce qu'on réalise en Sibérie orientale pour plus de 150 sujets, dispersés sur presque 3 millions de kilomètres carrés, où on étudie justement les relations culturelles entre ces sujets, les ressemblances et leur lien de parenté dans un premier temps. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec Christine Kaiser, par exemple. Et maintenant, avec Ludovic Orlando, grâce au génome, on peut aller plus loin. C'est-à-dire quand on voit, par exemple, un sujet qui ressemble à un autre, mais il a des habits qui sont plutôt des habits, pour certains de ces habits, qui sont des habits d'éleveurs de rennes. Eh bien, est-ce qu'il était parent avec ses éleveurs de rennes? Est-ce qu'il n'était pas parent avec ses éleveurs de rennes? Et c'est là que la technologie du génome nous permet de montrer, par exemple, que certains de ces sujets étaient croisés avec des éleveurs de rennes et dont on peut, Ludovic arrive à préciser l'importance. Donc il y a c'est ce que vous disiez au début de l'émission, la relation à la culture a été totalement transformée et sera totalement transformée dans le futur par l'apport de la génétique. Elle nous permettra notamment de savoir si les ressemblances culturelles sont liées à des diffusions d'hommes ou simplement à des diffusions de mode. Et jusqu'à présent, on n'avait rien pour savoir si c'était l'une ou l'autre hypothèse. Une vraie révolution. Éric Krubézy, qu'il s'agisse de l'Altaï ou de la Mongolie, sait-on qu'on possède d'étranges tombes gelées, ce que l'on appelle les kourganes? Oui, donc ce sont des tombes qui sont gelées. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi sont-elles gelées? La réponse est bien différente entre la Sibérie orientale où je suis, où on a des températures qui sont moins 50, mais parfois moins 70 degrés en hiver, et l'Altaï. En fait, dans l'Altaï, la tombe de Bérel, qui a été fouillée par Paul-Henri Francfort, et pour lesquelles j'étais intervenu sur les hommes, avec le PETS sur les chevaux, est une tombe qui est sous un kourgan, c'est-à-dire un énorme amas de pierres. Et ce qui a pu être montré, c'est que après la fouille, l'eau s'est accumulée sous ces pierres et en fait, comme il faisait très froid, l'eau gelait et donc on a une lentille de glace. Et cette lentille de glace, elle est liée à la construction du monument lui-même. Alors qu'en Sibérie orientale, les tombes sont creusées dans une partie qui dégèle l'été Et une fois que cette partie a dégelé pendant l'été, il fait de nouveau très froid pendant l'hiver, donc avec des températures de moins 50. Et donc là, en revanche, c'est la totalité du sol qui est gelée. Tandis que dans l'Altaï, c'est simplement un effet qui est souvent lié à l'action anthropique. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Éric Rubézy, n'y a-t-il pas urgence à fouiller ce genre de tombe eu égard le réchauffement climatique ? Sur le réchauffement climatique, oui, c'est une question qui nous est souvent posée. Et pendant plus de 15 ans, j'avoue que c'était une question à laquelle je n'arrivais pas à répondre réellement, si vous voulez, parce que je n'avais pas d'éléments objectifs. En fait, depuis l'an dernier, nous avons eu la chance de fouiller en Yakoutie un site qui comportait plusieurs tombes. Et l'une de ces tombes avait été fouillée dans les années 1980 par un collègue yakout. Et l'ensemble du mobilier avait été déposé au musée archéologique de l'université d'Yakoutsk. Et nous avons fouillé les tombes autour. Et à notre stupéfaction, nous avons trouvé des bols en bois, par exemple, qui donnent d'excellentes photos à la fouille, mais qui sont très difficiles à prélever, parce qu'ils s'abîment complètement en été. Tandis que notre collègue, en 1980, avait ramené au musée d'Yakoutsk des pots en bois qui étaient complètement séchés par le froid. Et il n'y avait pas eu de reprise de l'attaque, et ces pots en bois sont encore totalement conservés. Donc il y a effectivement une perte qui est très importante. Et on en a eu un autre exemple, un grand site archéologique fouillé par les Russes en 1969 et 1970, qui nous intéressait beaucoup. Eh bien, nous avons lancé une expédition pour aller reconnaître ce site, et il apparaît que ce site, en raison du réchauffement climatique, est désormais devenu un marais. C'est-à-dire qu'il est sous l'eau, et ce n'est plus une ville qui apparaît comme ce qui apparaissait à nos collègues en 1969 et 1970, mais simplement un marais d'où n'émerge que leur tas de déblais d'il y a maintenant 40 ans. Ludovic Orlando, ce réchauffement climatique, c'est aussi éventuellement l'émergence de paléomaladies. Évidemment, donc de même que l'on peut récupérer l'ADN des humains ou des animaux anciens, eh bien, on peut aussi récupérer l'ADN des pathogènes qu'ils portaient. Par exemple, le laboratoire d'Éric Crebesi a réussi à détecter des traces de variole au sein d'individus humains anciens. D'autres laboratoires ont trouvé des traces d'ADN de tuberculose, par exemple, ou d'autres maladies du passé. Alors, je tiens à rassurer les auditeurs tout de suite. En réalité, l'ADN qu'on récupère, c'est absolument pas de l'ADN d'une qualité telle qu'il correspondrait à de l'ADN infectant, si vous voulez. C'est de l'ADN qui a été dégradé tellement qu'il n'est plus représenté que par des petits bouts. Et ce n'est que par un jeu technologique et informatique qu'on arrive à remettre les pièces du puzzle ensemble pour générer l'ensemble de l'information génétique, si vous voulez. Mais physiquement, cette information génétique n'est pas transmissible, si vous voulez. Si bien que les archéologues, autant qu'on le sache aujourd'hui, ne s'exposent pas à ces maladies-là dès lors qu'ils participent aux fouilles. Mais néanmoins, ces maladies pourraient réémerger sous forme de pathogènes qui seraient des molécules d'ADN et non pas des vecteurs de pathologie viable, si vous voulez. Éric Crubézy, les Alains, les Nartes, les Sarmates, quantité d'ethnies ont évolué dans les steppes les plus connues. Eux sont les Scythes et ils appartiennent à l'âge du fer. Contrairement aux Celtes, les aristocrates Scythes sacrifient leurs chevaux, une pratique funéraire étonnante. Alors c'est une pratique funéraire qui est étonnante, mais qui est assez courante dans toute l'Asie centrale, l'Altaï, la Mongolie, et qui à l'heure actuelle persiste encore dans certaines zones de Yakoutie, puisque la Yakoutie donc était occupée par des descendants de pasteurs nomades qui venaient du sud. Et alors vous avez toute une littérature ethnologique qui date depuis le XVIIe siècle, où les chercheurs et les voyageurs ont été surpris, parce que vous avez eu, des fois il y avait des massacres de plus de 70 chevaux qui étaient tués lorsqu'un sujet décédait. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que ces massacres de chevaux, en fait, répondaient à plusieurs préoccupations. Il y avait, dès que le sujet décédait, par exemple, en Yakoutie, on sacrifiait son cheval préféré, qui devait l'accompagner dans l'au-delà, voire même lui montrer la voie. Tandis que, lors du repas funéraire, on sacrifiait plutôt des chevaux pour montrer la richesse du défunt, et ils étaient destinés à nourrir les invités au repas funéraire. Mais c'est une tradition qui a perduré de façon étonnante pendant plus de 2000 ans. Éric Crebesi, il faut aussi parler de Bérel, dans l'Altaï, où Henri-Paul Francfort avait trouvé des chevaux harnachés, mais aussi surtout grimés, avec des sortes de postiches invraisemblables. Oui, c'est une des plus belles découvertes, effectivement, à propos du massacre des chevaux. Donc, ce sont les chevaux dont Ludovic a étudié le génome et dont nous avions étudié avec Christine Kaiser la génétique, ça fait plus d'une dizaine d'années. Et alors, ces chevaux avaient été parés et certains avaient des postiches qui les faisaient ressembler. Par exemple, je me souviens très bien d'un de ces chevaux qui avait une postiche qui le faisait ressembler à un renne ou un animal sauvage. Et il y avait des différences. Et là, par exemple, lorsqu'on parle des différences génétiques et culturelles, je crois que Ludovic et Henri-Paul Francfort ont recherché s'il y avait des rapprochements génétiques entre certains chevaux qui se ressemblaient un peu plus dans leur postiche que d'autres, mais ce n'était pas le cas. Et donc là, oui, la génétique a permis de montrer qu'il y avait une mode, mais cette mode ne reposait pas sur des choix familiaux ou des choix de certains chevaux. Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture que nous évoquons les avancées génomiques du cheval avec Éric Rubézy et Ludovic Orlando. Justement, Ludovic Orlando, vous avez exploité le génome de 13 chevaux pour l'essentiel des étalons. Le premier résultat est la couleur de la robe? Oui, exactement. Dès lors que vous avez le génome complet, séquencé d'individus du passé, vous allez pouvoir regarder chacun des gènes qui vous intéressent individuellement. Donc chez le cheval, on connaît pas mal de variants génétiques qui conditionnent le développement de certains traits. Par exemple l'endurance, par exemple la couleur de la robe en effet, ou par exemple la musculature si vous voulez. Donc évidemment, on a été voir un par un l'ensemble de ces traits-là pour essayer d'avoir accès à une information qui fossilise mal en réalité et qui généralement n'est jamais retrouvée dans le registre fossile. Donc pour revenir à la couleur de la robe, on s'est rendu compte que les éleveurs citent favorisait une grande diversité de robes, puisqu'on avait des chevaux baies, des chevaux alezans, des chevaux spotés, des chevaux noirs, des chevaux de différentes couleurs qui ont été retrouvés sur le site. Donc cela nous indique donc que le rite funéraire site n'était pas biaisé à la faveur, par exemple, d'animaux qui auraient eu tous la même couleur. Par exemple, des chevaux blancs qui sont très souvent cités comme les chevaux préférés des princes, par exemple. On a pu montrer que c'était pas le cas en l'espèce, ici. Vous avez aussi trouvé les gènes qui ont été sélectionnés par les éleveurs sites? Exactement. Donc, c'était un des grands objectifs de notre travail, c'est de comprendre ce qui se cache derrière l'image que l'on a aujourd'hui des guerriers scythes, qui sont des guerriers assoiffés de sang, hein, tels qu'Hérodote les avait dépeints. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir derrière le masque du guerrier, le masque de l'éleveur. Donc, comment ces populations et ces hommes et ces femmes du passé ont réussi à devenir de tels maîtres dans l'art équestre, en réalité, il y a 2500 ans de cela. Donc, on a trouvé, par nos tests génétiques, à peu près 120 gènes, 121 pour être précis, qui montrent des signatures de sélection, donc qui ont été favorisées par leur relation avec les sites, si vous voulez. Et parmi ces gènes, les fonctions que font ces gènes sont très intéressantes, parce que beaucoup de ces gènes sont impliqués dans le développement des animaux et en réalité conditionnent leur taille, leur robustesse ou leur gracilité. En l'espèce, on a montré que les chevaux sites étaient des chevaux dont les membres supérieurs étaient plutôt trapus. Donc vous voyez que les sites avaient déjà entamé, il y a 2500 ans de cela, tout un processus de sélection pour arriver à façonner, entre guillemets, la forme et la morphologie de cette espèce, le cheval, qui leur était le plus utile. Au-delà des changements de forme, on a pu retrouver parmi ces 121 gènes un ensemble de gènes impliqués dans le développement des glandes mammaires, ce que nous interprétons comme un signe fort de la pratique, vous savez, qui existe encore aujourd'hui au Kazakhstan, qui est celle de la consommation du roumis, c'est-à-dire ce sont des sortes de boissons fermentées faites à partir de lait de jument. Eh bien, donc on pense que cette pratique-là était déjà en cours dans le même territoire qu'aujourd'hui, il y a 2500 ans de cela. Donc si je comprends bien, les sites recherchaient surtout des chevaux trapus et puis éventuellement des femelles avec des glandes mammaires importantes pour le lait? Voilà, vous pouvez le dépeindre comme ça. Il y a aussi d'autres informations auxquelles on a pu accéder. Par exemple, les éleveurs sites étaient intéressés par des chevaux qui avaient une capacité d'endurance, mais aussi par d'autres chevaux qui avaient une capacité de sprint sur des courtes distances. Donc en réalité, parmi le cheptel des chevaux sites, il existait une diversité de chevaux qui étaient capables tantôt d'aller vite, tantôt pour d'autres d'être plus endurants, et donc de développer ainsi toute une potentialité d'utilisation possible par les sites eux-mêmes. Votre étude contribue à éclairer tout un pan de la domestication animale. Ce n'est plus le cheval, mais le phénomène de la domestication dans sa globalité? Exactement. Donc pour ça, en réalité, et c'est aussi une des raisons qui nous a fait pencher sur le cheval pour démarrer ces études, c'est qu'on s'est intéressé à deux hypothèses centrales de la domestication animale. La première est appelée l'hypothèse du coût de la domestication et veut, pour aller vite, que dès lors que vous domestiquez une espèce animale, puisque vous ne pouvez pas domestiquer l'ensemble des individus existants, vous êtes obligé de procéder par fractionnement de la population, par une réduction de son effectif efficace. Dès lors que ça se produit, les généticiens des populations vont vous expliquer que ça implique quelque chose d'inexorable, d'inévitable, c'est que les mutations délétères ne peuvent pas être éliminées naturellement de la population par sélection négative. Pour le dire de manière claire, cela donc impliquerait que le génome des animaux domestiques, dès lors que vous commencez à les domestiquer et donc les sélectionner, serait envahi de mutations néfastes qui tantôt les incapaciteraient à développer tel type de fonction ou même réduiraient leur capacité de survie. Donc c'est quelque chose qui serait, si vous voulez, d'une certaine manière assez néfaste. Nous, ce qu'on a pu montrer par notre travaux, c'est que 3000 ans après que la domestication du cheval est commencé, donc il y a 2500 ans environ, la domestication du cheval a commencé il y a 5500 ans environ, et bien malgré 3 millénaires de domestication et d'interaction avec l'homme, le génome des chevaucytes n'était pas envahi par des mutations délétères, comme le coût de la domestication le laissait supposer. Ce qui nous a permis d'infirmer cette hypothèse centrale dans l'histoire de la domestication animale, et de montrer à contrario que l'enrichissement que l'on voit dans nos animaux domestiques qui vivent aujourd'hui n'est pas le fruit d'un phénomène précoce lié à l'histoire de la domestication, c'est plutôt le fruit d'un phénomène tardif qui, en l'espèce pour le cheval, a eu lieu au cours des deux derniers millénaires. Et alors, pour expliquer cela, on peut invoquer, et ça ne reste que des spéculations à ce jour, mais on peut invoquer le changement de nos pratiques d'élevage, et en particulier au cours des deux, trois derniers siècles, où nous avons fabriqué un ensemble de races de chevaux très importantes par croisement consanguin et par sélection intensive. Donc de fait, ces croisements consanguins et cette sélection intensive ont vraisemblablement participé, au moins pour partie, à l'enrichissement en mutations délétères observées dans le génome des chevaux actuels. À vous écouter, si je comprends bien, des mutations de cellules et des crêtes neurales, c'est visiblement quelque chose de très important, auraient conduit à des mutations débouchant sur des animaux, par exemple, plus dociles ou moins stressés. Alors, c'est exactement la seconde grande hypothèse que nos travaux ont permis de tester, c'est l'hypothèse dite des crêtes neurales. Donc, cette hypothèse des crêtes neurales dit que pour fabriquer, pour aller vite, un animal domestique, c'est finalement pas si compliqué que ça, d'un point de vue évolutif. Il faut, en fait, sélectionner via le comportement et reprogrammer un ensemble de cellules qui, au cours du développement, vont fabriquer toute une cohorte de caractères, telles que les oreilles tombantes pour le chien, telles que la diversité de la robe pour l'ensemble des animaux domestiques. Donc en touchant cette population de cellules au cours du développement, vous allez pouvoir affecter un ensemble de structures en aval et ainsi, en un coup d'un seul, faire émerger toute une cohorte de caractères utiles pour le domestiquant. Donc nous, ce qu'on a pu montrer, c'est que en mettant au point une nouvelle méthode statistique d'analyse des génomes, on a pu montrer que l'ensemble des gènes qui ont été sélectionnés très tôt au cours de la domestication du cheval, c'est-à-dire bien avant l'époque cite, en réalité, dès les environs de 5000 à 5500 ans, eh bien les gènes qui étaient sous sélection à ce moment-là par l'homme et les éleveurs de l'époque sont des gènes qui impliquent beaucoup le développement des crêtes neurales. Et donc c'est précisément ce tissu qui, au cours du développement, va se développer, va migrer au cours dans l'embryon et puis se différencier en un ensemble de structures aussi diverses que les cellules qui, dans votre peau, vont donner la couleur de votre peau ou qui, au niveau de votre visage, vont donner les cartilages faciaux et donc faire ainsi moduler à la fois la couleur de la robe des animaux domestiques mais également leur morphologie, notamment faciale. Éric Trubesi, en conclusion, les sites ne connaissaient pas les chromosomes, encore moins la génomique. Comment ont-ils opéré ces sélections? Exemple, Mendel, l'homme des petits pois, dont on dit qu'il a découvert la génétique sans le savoir. C'était ce moine qui était dans un monastère, qui était le monastère de Brno, en ce qui est actuellement la République tchèque, était en fait le supérieur d'un monastère qui pratiquait au 19e siècle la sélection des vaches et des chevaux depuis plusieurs siècles. Et donc les moines à l'époque, et peut-être, je dirais, les scythes bien avant eux, procédaient de la même façon. Ils repéraient les animaux qui étaient plus dociles, ceux qui leur plaisaient, et c'était ceux-là qui sélectionnaient pour obtenir des petits. Éric Crubezy, Ludovic Orlando, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jean-Louis Deloncle, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou écouter plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, nous partirons en Europe occidentale, il y a 50 000 ans.